Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Nous sommes en train d'élever une voix par rapport à la nation. Dans cette chaleur, mets-toi debout, nous voulons prier. Prends deux minutes, prie pour la RDC. Demande au Seigneur de se manifester dans notre nation. Élevons nos voix et prions pour la nation. Prie pour la nation, prie pour la nation. Prie pour la RDC. Nous sommes en train de prier pour la nation. Nous demandons au Seigneur d'intervenir dans cette nation. Que le Seigneur lui-même intervienne. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur entre en scène pour les problèmes de la nation. Pour les problèmes de la nation. Interviens, Seigneur. Interviens, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur. Prie pour la RDC. Nous sommes en train de prier. Nous demandons au Seigneur d'intervenir. Qu'il intervienne pour les problèmes de la nation, qu'il entre en scène pour les problèmes de notre pays. Il est celui qui écoute la prière. Il est le Dieu qui ne dédaigne pas la prière. Il est celui qui répond à la prière. Il est celui qui s'immixe dans nos affaires. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère. Merci pour ta présence en ce lieu. Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Ta présence. Merci Papa. Règne à Maître Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Laisse que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit. Amène-nous dans cette chaleur. Et fais tout ce que tu as prévu faire en ces jours. Atteins tous tes objectifs et que personne ne rate. Saint-Esprit, viens glorifier le Seigneur. Du début jusqu'à la fin, que le Seigneur Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Nous bénissons sa présence au milieu de nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le shalom de Dieu soit avec toi. Je dis merci à papa pour la marque de confiance renouvelée à ma personne, afin que je sois le canal par lequel le Saint-Esprit va communiquer un message à son peuple. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire un texte qui va nous servir de texte de base. On sera en train de tourner tout autour de cette portion-là. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire du 1er au 12e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des quatre escouades, des quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait, devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, après un long moment où nous avons été appris sur la destinée, à long et à large, on nous a enseigné sur ce qu'est une destinée, ses composantes et autres. Mais il est important de savoir que dans l'accomplissement d'une destinée, nous ferons face à beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de batailles qui vont s'élever dans le parcours. C'est que le chemin de l'accomplissement d'une destinée n'est pas rose. Ce n'est pas quelque chose que le diable sera en train d'acclamer pour dire « Accomplissez vos destinées ». Nous ferons face à beaucoup de batailles issues du monde des ténèbres. Parce que accomplir bien sa destinée revient à empêcher la manifestation des desseins du diable sur la terre. C'est que parler de la destinée, c'est nous amener dans les combats les plus élevés qui est le combat spirituel. Pour comprendre qu'il y a des batailles à vaincre, il y a des combats à affronter et à remporter pour poursuivre une destinée. Dans les cas contraires, ça risque de rester une lettre morte. Et parmi les hautes batailles, il y en a plusieurs, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager une d'elles, c'est la bataille d'Hérode. C'est pourquoi le thème de ce dimanche, je l'ai intitulé « Vaincre la bataille d'Hérode pour poursuivre ta destinée ». Vaincre la bataille d'Hérode pour poursuivre ta destinée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais fixer deux raisons d'être de ce message. La première raison d'être est d'amener aux enfants de Dieu à revêtir leur statut de guerrier dans le parcours d'accomplissement de la destinée. Chaque enfant de Dieu, tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois revêtir ton statut de guerrier dans le parcours d'accomplissement de ta destinée. C'est là que quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 11, le Saint-Esprit révèle à Paul, il lui dit d'écrire à l'Église pour dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour faire face à la ruse du diable. La version parole de vie dit, prenez toutes les armes de Dieu pour faire face au piège du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le paquet de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, il y a un élément qu'on appelle guerrier. Dieu, il sait, il s'appelle lui-même l'Éternel des armées. Et son trône, c'est un trône d'équité et de justice. Il sait que quand il parle des armes, ici, les questions des armes spirituelles, il ne parle pas aux civils. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas civil dans le royaume de Dieu. Vous savez, la connaissance de son identité est très capitale. Parce que les capacités d'une personne sont contenues dans son identité. Pour savoir ce que tu peux être en mesure de faire, il faut d'abord répondre à la question « Qui suis-je ?» C'est là que quand Dieu parle à Abraham, dans Genèse 17, le premier verset, l'Éternel ne dit pas à Abraham ce qu'il peut faire. Il dit d'abord à Abraham ce qu'il est. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Si tu connais ce que je suis, tu peux savoir ce que je peux être en mesure de faire. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons compris des principes. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci, c'est bon. Mais peu d'enfants de Dieu connaissent ce qu'ils sont réellement en Christ. Et c'est le défi de l'Église. Au point que nous pouvons parler des combats spirituels, nous avons peur. Pourquoi nous nous sommes mis comme des civils? Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un guerrier. Tu ne peux pas porter les armes sans être guerrier. Lorsque dans certaines nations, les policiers ne portent pas les armes. Quand on voit quelqu'un porter l'arme, c'est que c'est un militaire. La première impression qu'on a d'un militaire, c'est que c'est un combattant. Si tu portes les armes et tu n'es pas militaire, c'est que tu es en infraction. Il faut comprendre ça. Dans l'accomplissement de la destinée, nous devons revêtir notre statut. C'est là que David dit dans Psaume 144, le premier verset, il dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Il dit, « Exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Psaume 18, 35, David dit, « Qui exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. » Mes bras là ne sont pas vides quand David parle. Nous parlons beaucoup, nous écoutons beaucoup sur David. C'était l'une de ses facettes qu'il a compris. On est guerrier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es guerrier et tu es guerrière. N'ayez pas peur. Deuxième raison d'être de ce message, je vais amener le peuple de Dieu à être vigilant dans l'accomplissement de la destinée. Vous savez, la bataille de la destinée pénètre de n'importe quel coin, à n'importe quelle circonstance et n'importe quand. Vous savez, les batailles de la vie, ce n'est pas seulement parce que tu as volé, parce que tu as injurié, parce que tu as fait ceci. Il y a des batailles que nous serons en train de faire face parce que nous nous sommes décidés d'accomplir notre raison d'existence. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme le Seigneur dit, mieux vaut mourir dans cette cause noble que de mourir parce que tu t'es ingéré aux affaires d'autrui. Il y a des batailles attachées à la destinée. Le Seigneur dit dans Matthieu 10, 16, il dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et soyez souples comme les colombes. On n'est pas appelé à mener une vie avec beaucoup de bruit. Un sage disait, un enfant intelligent comprend certaines choses dans le bruit. Vous savez, quelqu'un peut être avec toi, il te lance un mot. Et puis par après, il s'est ressaisi, il corrige. C'est que la première impression, c'est ce qui est dans son cœur. Si tu ne comprends pas ça, tu risques d'aller tomber dans le piège du diable. Je prie que le Seigneur te préserve. On a besoin de la sensibilité spirituelle dans l'accomplissement de la destinée. Comprendre les mouvements de Dieu dans une saison, ça demande un niveau élevé. Vous savez, un jour, je lis la Bible dans Actes des Apôtres 23, les versets 12 à 14. Je suis surpris. L'apôtre Paul, en train d'enseigner, en train d'accomplir sa mission, mais la Bible dit plus de 40 juifs, plus de 40 personnes se liguent. Ils se disent même, nous serons en jeûne sec, parce qu'ils ont dit, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, jusqu'à ce que Paul soit tué. Qu'est-ce que Paul a fait? Rien du tout. Tu as violé la femme de qui, Paul? Tu as volé l'argent de qui? Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Le problème, ce n'est pas d'abord le mal que nous faisons. L'un des grands problèmes qui n'arrange pas l'ennemi, c'est l'accomplissement de la destinée. Il y a des batailles attachées à chaque destinée. Et quiconque a une destinée doit comprendre ces choses. Et il faut affronter certaines batailles pour arriver plus loin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, le thème même de ce matin, nous l'avons intitulé « Vaincre la bataille d'Hérode pour poursuivre ta destinée ». Vaincre la bataille d'Hérode pour poursuivre ta destinée. Parmi les grandes batailles de la destinée, il y a la bataille d'Hérode. Ce message, pour qu'il soit compris, j'aimerais aborder quatre points. Le premier point, je parlerai de quelques avancées de la destinée de l'apôtre Pierre. Deuxième point, je vais aborder le point comprendre la bataille d'Hérode. Comprendre la bataille d'Hérode. Troisième point, je serai en train de mettre l'accent sur les moyens utilisés par l'Église primitive pour affronter et vaincre la bataille d'Hérode. Et quatrième point, avant de finir, avec ma conclusion, je serai en train d'aborder sur certaines retombées de la prière de l'Église face à la bataille d'Hérode. Abordons rapidement le premier point, quelques avancées de la destinée de l'apôtre Pierre. Vous savez, nous sommes dans une saison où on nous parle de la gloire. Une année des avancées en gloire. Lorsque nous lisons la Bible, la gloire dans toute sa dimension, ce sont des choses inimaginables que nous serons en train d'expérimenter. Et pendant cette saison où l'Église commence, l'apôtre Pierre expérimente beaucoup d'avancées dans sa destinée. Je voudrais juste résumer quelque chose pour nous amener à comprendre de quoi il s'agit. La première des choses, lorsque nous lisons dans Actes 2, le verset 41, le jour de la Pentecôte arrive. Après la Pentecôte, l'apôtre se met à prêcher la parole de Dieu. 3000 âmes gagnées. Quelle avancée. 3000 âmes gagnées au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le monde des ténèbres commence à être vidé petit à petit. Une grande avancée qui s'opère dans la vie de cet homme appelé l'apôtre Pierre. Je prie et je soupire que le Seigneur nous amène dans cette saison. Ou dans une activité évangélique, au lieu seulement de se ressentir où les gens se disent, c'est un programme, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions tellement contents. Qu'est-ce qui était content? On ne sait pas expliquer. Que Dieu amène l'Église dans cette dimension parce que c'est possible. Le Saint-Esprit est encore là. Deuxième chose dans les avancées de la destinée de l'apôtre Pierre, c'est que dans Actes 3, les versets 1 à 6, l'apôtre expérimente une guérison miraculeuse d'un boiteux de naissance. Il arrive à la porte de la belle. On pouvait lui donner des objets, l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre arrive, il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous avons n'est pas forcément physique. Quand tu n'as pas d'argent, tu te vois comme si tu es inutile dans la société. J'aimerais dire, il y a des choses qui dépassent l'argent. Quand Pierre parle, il parle dans la proportion des valeurs. Il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Ce sont des métaux précieux dans le temps et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il dit, ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? J'ai une chose invisible. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dis, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Il marcha. Que le Seigneur nous amène dans des guérisons comme ça. Troisième chose que je lis dans les portraits des avancées de la destinée de l'apôtre Pierre, c'est dans Actes des Apôtres 9, 31 à 35. La Bible dit, il expérimente la guérison d'un paralytique qui était souffrant pendant 8 ans. Ce paralytique s'appelait Aîné. L'apôtre Pierre arrive, il dit seulement, Aîné, que Jésus-Christ te guérisse. La Bible dit, au même instant, le paralytique marche. Et certains se disent, pourquoi ces choses ne se passent pas dans l'Église? Ça se passe. Il y a plusieurs choses qui expérimentent des choses, mais ils n'ont pas le temps de témoigner. Mais il y a aussi des choses qui doivent se passer visiblement. La saison est bonne, que le Seigneur nous amène dans cette dimension. Au-delà de la guérison de ces paralytiques, la Bible dit deux habitants de deux villes, la ville de Lydde et la ville de Saron. La Bible dit, les habitants à courir et ils ont cru au message de Pierre. Vous savez, il y a de ces gens, quelle que soit la connaissance de l'exégèse herméneutique, tout ce qu'on peut apprendre dans la théologie, ils ne peuvent pas être sauvés aussi longtemps qu'ils ne voyaient pas des miracles. Il y a des gens qui ne vont pas vous écouter. Malgré la qualité de la sainteté, malgré tout ce qu'on peut présenter au peuple, nous avons besoin de voir. Bien-aimés, il y a de ces gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, il y a quelque chose. Et ils ont cru à ces messages. Que le Seigneur répande son huile, son onction dans l'Église, afin que nous puissions partir avec la qualité de vie, mais aussi la dimension de puissance. Gloire à Dieu. Autre chose qui se passe dans sa vie, c'est la résurrection de Tabitha. Actes des apôtres 9, 36 à 43. Tabitha est morte. Mais qu'est-ce qui se passe? Les habitants de Joppé, sont venus derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? Tabitha, une bonne personne. Quelqu'un d'une bonne moralité. Mais qu'est-ce qui se passe? Tabitha est morte. Il faut que tu le ramènes en vie. Quel défi dans la vie de l'apôtre Pierre. Il entre avec quelques-uns des frères et puis il prie, Tabitha revient à la vie. Et puis tous les habitants ont crié au message, stupéfait par cela. Je prie et je soupire que Dieu nous amène dans ces choses ici. Nous avons besoin d'expérimenter Dieu. Nous avons besoin de vivre Dieu. Il y a plusieurs niveaux de connaissance de Dieu. On peut connaître Dieu par histoire, mais on peut connaître Dieu aussi par expérimentation. Mais je prie que Dieu nous amène à l'expérimenter. Gloire à Dieu. Un autre fait dans la vie de l'apôtre Pierre, c'est que dans Actes 10, 44 à 48, il expérimente pour la première fois le baptême dans le Saint-Esprit aux païens. Corneille était en train de prier avec toute sa famille quand Dieu dit à Pierre d'aller vers lui. C'est la toute première fois qu'il expérimente. Ils sont là, pouf, baptême dans le Saint-Esprit par la langue. Prophétie dit, est-ce que nous pouvons empêcher le baptême d'eau à ceux-là qui ont reçu les dons du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aimerais nous dire, Église? C'est dans cette montée des avancées de sa destinée qu'au chapitre 12, Hérode se présente. Il a déjà réalisé beaucoup d'acquis. Mais Hérode maintenant se présente. Pour faire quoi? Pour le défier. Pour faire quoi? Pour vouloir arrêter ce qui se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode s'élevera que lorsque nous commençons à monter. Que lorsque Dieu commence à t'amener dans cette entreprise hors du commun des mortels, lorsque Dieu va commencer à distinguer ta famille, c'est là que Hérode va s'élever. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Quelques informations sur Hérode. L'Hérode ici dont on parle, acte 12. La première information, c'est qu'il s'agit d'Hérode Agrippa 1. Lui, c'est le petit-fils d'Hérode et le grand. Il a été intronisé roi de Judée par l'empereur romain appelé Claude. C'est du temps de Claude que Hérode Agrippa I a été intronisé comme roi de Judée. Et vous comprenez avec moi, c'était sous la domination des Romains qu'Israël était soumise. Ces rois avaient du respect à la loi de Moïse. Ils se donnaient de la peine pour faire plaisir aux Juifs. C'est pourquoi ils maltraitaient les membres de l'Église. Il arrive à décapiter l'apôtre Jacques en l'an 44 après Jésus-Christ. Jacques est décapité. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la bataille d'Hérode lorsque je parle vaincre la bataille d'Hérode? Pour poursuivre ta destinée, quatre visages nous aident à comprendre la bataille d'Hérode. Premier visage, c'est que la bataille d'Hérode est une bataille conçue et commanditée dans le monde des ténèbres, mais exécuté par une personne ayant une autorité dans le monde physique. Lorsque nous parlons de la bataille d'Hérode, ce n'est pas une bataille qui commence sur la terre ici, ce n'est pas une bataille qui est initiée seulement par les hommes, c'est une bataille conçue dans le monde des ténèbres, commanditée dans le monde des ténèbres, mais qui sera exécutée par une personne ayant de l'autorité dans le monde physique. Il est fort probable que la bataille de notre pays, c'est la bataille d'Hérode. Que Dieu donne de la sagesse et l'intelligence à ceux-là qui dirigent la nation, parce que tu risques d'aller tendre les mains pour chercher le secours. Or, c'est le même Hérode qui veut implémenter ses plans. Ça peut être la bataille d'une famille. Ça peut être la bataille individuelle. Ou Hérode, dans le monde spirituel des ténèbres, on dit « faut arriver à ça ». Mais on cherche quelqu'un qui a de la notoriété pour appliquer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu nous amène à la sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour parler en langue, mais qui nous amène à la sensibilité spirituelle, pour comprendre bien l'environnement dans lequel nous sommes. Alléluia. Deuxième visage de la bataille d'Hérode, c'est que c'est une bataille qui vise à mettre fin à une destinée par la mort physique. Quand Hérode s'élève, il ne vise pas à cajoler, il ne vise pas à blaguer, il met fin à une destinée. Acte 12, le premier verset, Jacques est décapité. Le Jacques ici, c'est parmi les deux fils de Zébédée, dont leur mère disait à Jésus que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Il a expérimenté la transfiguration avec Pierre et son frère Jean à la montagne. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 20, vous allez comprendre. Dans le cercle restreint de Jésus, ils étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacques décapité. C'est-à-dire si Hérode s'élève, ce qu'il vise, c'est mettre fin à une destinée. Mais ma prière ce matin, qu'Hérode ne triomphe pas. Hérode ne blaguera pas. Hérode utilisera toutes les stratégies. Tous les moyens sont bons. Ça peut être par accident. Ça peut être par des empoisonnements. Vous saluez quelqu'un en riant, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des sourires qu'on appelle les sourires jaunes. Et quand le lion sourit, on ne sait pas s'il a faim ou soit il est content. C'est ça le mystère des combats spirituels. Mais qu'est-ce qui va nous aider dans cette bataille? C'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, très capitale. Jacques décapité, il est mort déjà. Il se peut que l'église était en train de blaguer. L'église est en train de voir les choses en train de s'empirer, puis on blague. Il y a même des familles. Vous êtes en train de voir des maladies. L'autre est mort. Quelqu'un d'autre accident. L'autre avortement à répétition. Le mariage qui ne vient pas. Jusqu'à la veille du mariage, on arrête les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, il faut s'élever et prendre conscience que les choses s'empirent déjà. Alléluia. Troisième visage de la bataille d'Hérode, c'est que c'est une bataille qui vise à bloquer et retarder une destinée. En posant des actes qui créent la panique, la désolation, la honte, l'humiliation et le sabotage d'un peuple. C'est-à-dire pour bloquer ou arrêter une destinée, vous savez, lorsque vous voulez arrêter un grand groupe, il ne faut pas viser n'importe qui. C'est là que lorsqu'il y a la bataille, le roi Achab va... Dans la bataille, le roi d'Israël, la Bible dit, il y a une flèche qui était en train de le chercher. C'est que dans un groupe, on ne cherche pas tout le monde. On sait si on attrape celui-là, c'est fini. Et quand la bataille d'Hérode se passe dans une vie, dans une famille, dans une nation, ça crée des actes qui créent la panique où le peuple n'a pas la paix. Lorsque je parle du peuple, l'église dont il est question ici, c'est tout un peuple. Parmi les trois peuples dont parle la Bible, selon 1 Corinthiens 10, 32, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. La Bible parle des trois peuples. Et il y a des révélations qui sont attachées à chaque peuple lorsque nous lisons les Écritures. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Église devait être dans la panique, mais Jacques est mort. Qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être on devrait déjà préparer l'enterrement de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? La panique totale. Le peuple n'a pas la paix. C'est ce qui se passe souvent. Un petit message dans les réseaux sociaux, quelqu'un arrête même de manger. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est parmi les manifestations de la bataille d'Hérode. Ça crée la panique, mais le peuple ne comprend pas. Vous savez, c'est nous-mêmes qui disons. Quand nous sommes, on a eu une flèche dans le monde spirituel, nous disons, non, hier j'étais attaqué par le diable. Mais le fait que nous envoyons dans la prière, les démons ne témoignent pas. C'est là qu'il y a des choses qui peuvent se passer, même dans l'armée, il y a une défaite. On n'est pas appelé à tout dire et à tout balancer dans les réseaux. Il y a un problème. On ne comprend pas. Même quand l'ennemi est en train de tâtonner, il dit, ah, donc ce que je fais a réussi. C'est là que tu te réveilles le matin, commence avant, tu dis, tout va bien. À la maison, tout va bien. Vous savez, on n'explique pas tout. Il y a des dimensions spirituelles, vous atteignez, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Parce que le problème, c'est quoi? Dans la bataille physique comme spirituelle, si vous êtes déjà démoralisé, vous perdez le moral. Vous êtes vaincu avant la bataille. Vous savez, la défaite même dans notre armée, c'est quoi? Il suffit qu'on amène seulement l'armée étrangère pour secourir. Les phares de ces disent déjà que nous sommes faibles. Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est là qu'il est important de comprendre. Même si quelqu'un commet l'erreur, il ne devient pas l'erreur. Il peut corriger. Ceux qui ont bien percé dans la vie n'ont pas commencé par réussir. Ils ont commencé par commettre des erreurs. Vous savez, les parents, ça arrive comme ça. Un enfant échoue et puis tu dis non, toi tu es foutu, tu ne feras rien. Encourage-les. Parfois, nous, on écoute seulement les bons témoignages. Nous, on a réussi, nous, on a fait pas. Mais les échecs, on ne nous parle pas. Donnez-nous les faces B et face B et A. Ça nous met en équilibre. C'est très important de comprendre ça. Parce que ça crée la panique. Quand la panique est là, tu ne feras rien. Vous savez, il y a des messages qui circulent même dans les réseaux sociaux. Oh, j'étais en train de dormir, j'ai vu le tombeau s'ouvrir, et église est priée, les enfants vont mourir. Moi, ces messages-là, j'efface. Parce qu'en réalité, je suis appelé à rester dans ma garde. La Bible a dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce n'est pas seulement la foi de la réussite. On peut avoir la foi de l'échec. Tu peux croire que tu n'iras pas de l'avant parce qu'on t'a beaucoup dit. C'est la politique qu'on utilise pour laver quelqu'un le cerveau. On lui fait répéter les choses plusieurs fois. Tu n'iras pas de l'avant, dis tu n'iras pas de l'avant. Tu n'iras pas de l'avant, tu n'iras pas. Beaucoup plus, quand même il est seul, cette voix revient. Tu n'iras pas de l'avant. J'aimerais que le Seigneur nous délivre de ces choses. Nous sommes appelés à prier, mais pas parce que quelqu'un a vu dans une vision. Pas parce que quelqu'un a vu dans une vision. Le problème aujourd'hui dans l'église, c'est quoi? On cherche à avoir souvent de la notoriété en donnant même des fausses visions. Tout songe ne vient pas de Dieu. Les choses naissent à la multitude des occupations. Il faut comprendre les sources des songes. J'ai vu, tu vas mourir, et puis tu arrives. Qu'est-ce qui se passe? Et la grande bataille dans le monde spirituel, si tu n'arrives pas à braver la peur contre la mort, tu n'iras pas de l'avant. Et si quelqu'un vient avec la prophétie, Agabus dit à l'apôtre Paul, il prend la ceinture, il se met et puis il dit non, le propriétaire de cette ceinture sera lié à Jérusalem. L'apôtre dit, je suis prêt même à mourir pour la cause. On doit arriver à ce niveau-là, tu vas mourir, je suis prêt à mourir. Parce que c'est la dimension la plus élevée de l'intimidation. C'est là qu'en matière d'éducation... oh là là. Vous savez, en matière d'instruction, de discipline, il est conseillé, il ne faut pas commencer par la dernière sanction. Parce que si ça rate, toutes les autres là ne vont plus réussir. Si quelqu'un arrive seulement à la dernière, soit tu vois que non, tu vas pas manger aujourd'hui. Je vais te dire, je suis prêt à partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Que Dieu nous amène en tant qu'église, en tant que l'armée du Seigneur Jésus, à comprendre que c'est ça la bataille dans laquelle nous sommes. Nous sommes appelés à combattre pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est une bataille qui vise à créer des paniques souvent. J'aimerais dire à quelqu'un que la paix de Dieu soit avec toi. Malgré tout ce que tu écoutes, malgré tout ce que tu vois, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Sois dans la paix. Que l'Église soit dans la paix. La paix du Seigneur. Une autre forme au visage de la bataille d'Hérode, c'est une bataille qui vise à étouffer tout ce qui est précieux. Quand la bataille d'Hérode s'élève dans la vie d'une famille, ça ne vise pas n'importe quoi. Ça ne vise pas n'importe quoi, ça étouffe ce qui est précieux. Dans l'église primitive, l'apôtre Pierre n'était pas seulement une personne. C'était quelqu'un que Jésus pouvait lui dire, « Je te donne les clés du royaume. » C'est lui qui a les clés du royaume en prison. C'est lui qui sera le gagneur d'âme en prison. Et le Seigneur Jésus lui dit dans Luc 22, 31 à 32, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le fromage. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Il a la mission d'affermir les autres. Dans l'église primitive, l'apôtre Pierre, c'est le symbole de ce qui est précieux. Il doit affermir la foi des autres, mais c'est lui qui doit affermir la foi en prison. Quand nous lisons cette portion de l'écriture, Pierre ne prie ni même pas. Il est endormi, enchaîné. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrivera des batailles où même le plus fort peut être affaibli. C'est pourquoi l'Église, nous devons apprendre à nous supporter dans la prière les uns pour les autres. Même celui que tu prétends être fort, ça dépend des coups qu'il peut avoir. Même le plus fort peut être affaibli. Pierre ne priait pas, il dormait. Et encore enchaîné, ayant des moments de nous porter les uns les autres dans la prière. Alléluia. Le symbole de ce qui est précieux pour toi, ça peut être ton travail. Qui est sous attaque d'Hérode. On veut te chasser du travail. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Une moindre erreur, c'est ma sanction. C'est fini. La bataille d'Hérode frappe une famille. Qu'est-ce qui se passe? Le vent de divorce souffle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les enfants ne viennent pas. La maladie à répétition. À tout moment, il faut que l'argent parte. Le célibat prolongé, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Hérode s'élève pour détruire ce qui est précieux. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur est au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous. Hérode ne triomphera pas dans cette bataille. La promotion va arriver, mais quelqu'un seulement s'intercale. Tu ne sais pas qui parle. Et la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Pierre devrait être présenté. Vous savez, il y a des nuits qui ne sont pas les mêmes. Et il y a des jours qui ne sont pas les mêmes. Il y avait deux attentes dans cette nuit. Hérode attendait présenter aux Juifs. Les Juifs donnent l'accord, Pierre décapité. Mais il y a quelque chose aussi qui était pensé dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable agit par un pouvoir permissif. Mais Dieu agit par un pouvoir décisif. Il faut comprendre cette vérité, c'est très capital. Mais par quel moyen l'Église affronte? Comment l'Église a vaincu, a triomphé la bataille d'Hérode? La Bible dit au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Par quel moyen l'Église a compris que les origines de cette bataille sont spirituelles. On ne peut pas aller dans une bataille spirituelle avec des armes non conventionnelles. Il faut prendre ce qui est spirituel, qui attaque le spirituel, et l'arme, le moyen par lequel l'Église a utilisé, c'était la prière fervente. Une prière sans relâche. L'Église se réveille. On dit, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous mettre dans la prière. Et la Bible dit, et l'Église ne cessait d'adresser des prières. Des chaînes de prières sans rupture. Les gens prient. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'est pas méprisée. La prière implique Dieu dans ce que nous faisons. C'est là que lui-même a dit, dans Psaume 50, le verset 15, « Et invoque-moi les jours de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-lui les jours de la détresse. Tu traverses personnellement la bataille d'Hérode. Est-ce que c'est la famille qui traverse cette bataille où personne n'est élevé, personne n'avance dans la vie, bien-aimé? Est-ce que c'est la nation qui traverse la bataille d'Hérode? La prière persévérante, c'est une solution face à cette bataille. L'Église doit prier. L'Église doit comprendre l'importance de la prière. Le psalmiste dit dans Psaume 74, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Que Dieu intervienne dans cette affaire. C'est là que Esaïe comprend la valeur de la prière. Il est en train de dire, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Mais il fait un cri dans l'arbre. Il dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Je prie que le Seigneur déchire les cieux, que le Seigneur intervienne dans ta bataille, qu'il intervienne dans la bataille de ta famille, qu'il intervienne dans la bataille de la nation. Il y a des choses que la diplomatie seule ne va pas réussir. Vous savez, un peuple qui n'apprend pas à découvrir et à s'appuyer sur ce qui fait sa force ne sera jamais respecté. Tant que tu n'apprends pas à découvrir et à t'appuyer sur ce qui fait ta force, tu ne seras pas respecté. Il y a des environnements où on impose le respect. Quelqu'un qui ne voulait pas te saluer, il va te saluer. Parce qu'il est contraint. Même si c'est l'hypocrisie, mais c'est une salutation qui est sortie. L'Église a compris que ce qui fait sa force, c'est la prière. C'est les genoux. L'Église dit, laissez Hérode de faire ce qu'il est en train de faire, mais nous, nous sommes à genoux. Que l'Église ait prié, que l'Église n'arrête pas la prière. La prière n'est pas banalisée, c'est une grande arme dans le monde spirituel. Trois exigences de la prière fervente. Lorsque nous parlons de la prière fervente de l'Église, ils étaient en train de prier trois exigences derrière cette prière. Premièrement, on s'élance dans une prière fervente lorsqu'on prend conscience du danger qu'on fait face. Lorsque tu prends conscience du danger que tu es en train de faire face, tu vas prier. Personne ne va te dire, il y aura les eaux profondes, il y aura les tournants. Toi-même, tu es dans les jeûnes et prières, des retraites personnelles. Parce que tu prends conscience du danger auquel tu fais face. Le danger, c'est lequel? Jacques est déjà décapité. Qu'est-ce qui va empêcher Hérode de tuer aussi Pierre? Et si Pierre est décapité, qu'est-ce qui sera le sort du reste de l'Église? Il prend conscience. Prenons conscience du danger qui guette nos familles, du danger qui nous guette individuellement, du danger qui guette nos professions, nos activités et même notre nation. Alléluia. Deuxième exigence dans cette prière, c'est la foi ferme en Dieu, sachant qu'il finira par intervenir dans la bataille. Quand quelqu'un monte dans une prière ferme, il croit que Dieu finira par intervenir dans la bataille. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous sommes en train de prier, il a dit, je suis le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il interviendra dans ta bataille. Crois que le Seigneur interviendra. Lorsque la foi ferme, qui s'attache à ce que Dieu fera, bien aimé, tu peux prier sans relâche. Mais quand nous prions pour exprimer la peur, on peut s'arrêter en mi-prière. Troisième chose, c'est la maturité spirituelle de celui qui prie. C'est-à-dire un état spirituel élevé de celui qui fait la prière fervente. Parce qu'il faut prier hier, il faut prier aujourd'hui et on prie demain. La cause, la solution d'une affaire peut durer. La Bible dit que l'Église ne cessait de prier. C'est que ça a passé du temps pour que la délivrance de Pierre soit accordée. Mais pendant tout ce temps-là, ça demande la maturité spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un peut dire, mais depuis quand on a prié pour la nation? Depuis quand j'ai prié pour ma famille? Depuis quand j'ai prié pour cette requête? J'aimerais dire à quelqu'un, monte dans la dimension de la prière fervente. Prie et encore prie. Ésaïe 40, le verset 30 à 31, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je prie que Dieu te renouvelle la force dans la prière. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, l'aigle ne fuit pas la tempête. Mais l'aigle exploite la tempête pour sa haute percée. Lorsqu'il y a une bataille dans cette entreprise où tu es, lorsqu'il y a une bataille dans ta famille, cherche à découvrir les points forts qui peuvent t'amener dans l'ascenseur. Exploite la tempête. Pendant que les hirondelles fuient, l'aigle cherche les noyaux du vent. Et le vent, dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. Lorsque nous nous laissons entre les mains du Saint-Esprit, c'est le vent qui propulse l'aigle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu monteras. Mais développe le vent, l'intimité avec le vent. Quand l'aigle est dans le vent, il étend juste ses ailes, il monte dans les hauteurs. Les corbeaux attaquent l'aigle, mais l'aigle ne répond pas. L'aigle monte seulement dans la hauteur. Ça arrive dans des dimensions où l'air n'est pas là. Le corbeau va mourir. Je parle à un aigle spirituel. La prière n'est pas banalisée. Monte dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est tombé dans la prière fervente de l'église face à la bataille d'Hérode. Lisons la Bible. Nous sommes dans notre texte de base, le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. La première retombée qui avait provoqué cette prière fervente de l'église primitive, c'était l'arrivée urgente de l'ange du Seigneur pour secourir Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, cette prière que tu es en train de faire chaque jour, ça ne passera pas inaperçu. Le Seigneur va dépêcher son ange. Dans la bataille de la destinée, nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'existe pas. Il y a des anges de Dieu disponibles et prêts pour nous secourir dans les batailles. C'est là que Élisée est en train de dire à son serviteur. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, dans cette bataille de Rhodes que tu passes, il y a un ange de Dieu disponible pour te secourir. L'apôtre Jean dans l'île de Patmos, lorsqu'il doit avoir la révélation dans Apocalypse 19, le verset 9 à 10, lorsqu'il reçoit la révélation où l'ange est en train de dire, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, quand l'apôtre apprend ces choses que nous allons vivre avant la grande tribulation, qu'est-ce qui se passe ? » La Bible dit, l'apôtre Jean s'est mis à genoux et voulait adorer l'ange. Et l'ange lui dit, « Arrête de le faire, adore Dieu, je suis ton compagnon de service. » J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des anges qui sont des compagnons de notre service. Dans l'accomplissement de la destinée, prie, le Seigneur lui-même va envoyer l'ange. Toi, tu ne vas pas appeler l'ange. J'appelle l'ange de ceci, j'appelle l'ange de cela. Nous, on n'appelle pas les anges. On ne commande pas les anges. Les anges sont commandés par Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de prier Dieu. Lui-même va envoyer l'ange. Et je prie que le Seigneur le fasse. Gloire à Dieu. Toujours dans le verset 7, deuxième retombée. Et voici un ange du Seigneur survint d'eux. Et une lumière brilla dans la prison. Qu'est-ce qui se passe? L'apparition de la lumière dans la prison. La prison remplie de ténèbres. Les ténèbres, l'image de l'angoisse. Les ténèbres, l'image de l'opprobre. Les ténèbres, l'image de la honte. L'apôtre qui a les clés est dans la honte, dans l'angoisse en prison. Mais c'est là que la lumière a brillé, ou dans la prison. Et la lumière en question n'est pas de l'éclairage. La lumière ici, c'est une personne. C'est une personne, pendant qu'il accomplissait sa destinée sur la terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La personne en question, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne te laissera pas dans la bataille de la destinée. Il ne va pas laisser la tâche à l'ange, parce qu'un ange peut être résisté. C'est là que lui-même aussi interviendra. Il envoie l'ange, mais le Seigneur Jésus lui-même entrera en scène. J'aimerais dire à quelqu'un, développe l'intimité avec lui. Comprends que le Seigneur Jésus est l'ami fidèle. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Et Hérode ne triomphera pas. La lumière brillera. Vous savez, quand la lumière brille, ça fait quoi? Ça chasse les ténèbres. Il y avait les ténèbres de la mort qui attendaient Pierre. Mais quand la lumière arrive, c'est la vie. Que la lumière apporte la vie dans ta famille. Que la lumière qui est Jésus apporte la vie dans la nation. Que la lumière apporte la vie dans nos familles. Quand la lumière arrive, ça chasse les ténèbres. Des royaumes ne peuvent pas exister au même moment. Il est important de comprendre qui est Jésus. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est là que Esaïe dit, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. » Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. On a besoin de la lumière. Et cette lumière-là, c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. L'humanité a besoin de Christ. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Toujours au verset 7, la Bible dit, quand l'ange dit, lève-toi promptement, la Bible dit, les chaînes de ses mains tombèrent. Les chaînes qui liaient l'apôtre sont tombées d'elles-mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que la lumière elle-même a décidé d'entrer en scène. Quand la lumière entre dans une bataille, la lumière qui est Jésus-Christ, quand il entre dans la bataille, bien-aimé, il ne touchera pas les chaînes vont tomber de soi. Parce qu'il est écrit, quand il a accepté la mort, et la mort même montagne de la croix, la Bible a dit dans Philippiens 2, et c'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Bien-aimé dans le Seigneur, les chaînes ne vont plus exister, ne vont plus résister quand le Seigneur entre en scène. Dans cette affaire de ton mariage, demande que le Seigneur Jésus entre en scène. Quand il entre en scène, ces chaînes ne vont pas résister. Quand il entre en scène dans ta profession, ça ne va pas résister. La Bible dit, et les chaînes tombèrent. J'ai pris que les chaînes tombent. Que quiconque était face à cela, même pour la cause de la nation, que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent. Pourquoi? La lumière est en scène. Vous savez, la joie c'est quoi? Il nous envoie dans la destinée, lui-même est avec nous. Le diable connaît qui est Christ. C'est pourquoi parmi les pièges, pour déconnecter l'église, amener l'église à prêcher d'autres choses, mais à ne pas connaître Christ. Amenez-les à connaître le virus, mais à ne pas connaître l'antidote. Ils seront faibles. C'est là que Pierre, l'apôtre Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ est le crucifié. Quand il est en scène, il ne touche pas les chaînes. Les chaînes voient seulement, la lumière est là, les chaînes tombent de soi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas expérimenter ces choses. La nation va expérimenter ces choses. Parce que nous sommes en train d'appeler Christ. Le Seigneur Jésus entre en scène. Et quand il entre en scène, ce sont ces choses qu'on expérimente dans la vie. Que ceci soit le partage de quelqu'un. La dernière des choses qui arrive, c'est que la Bible dit, lorsque nous lisons le verset suivant, il y a une ouverture mystérieuse des portes de la prison. Les portes s'ouvrent. On passe à la première étape. Vous savez, l'ennemi, même dans les combats spirituels, c'est comme ça. Il met beaucoup d'obstacles. Tu traverses un obstacle, il y a un autre obstacle. La Bible dit qu'il traverse la première porte de la prison. La deuxième, la seconde, c'était la porte des verrous de fer. Quand ils arrivent là-bas avec l'ange, la porte s'ouvrit d'elle-même. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette porte s'est ouverte d'elle-même? C'est comme s'il avait de l'empreinte magnétique où il arrive, il commande. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la lumière elle-même, Jésus-Christ, était en scène dans la bataille. Et quand il arrive dans une porte, il amène seulement à le faire comprendre une chose. Qu'à la résurrection, la Bible dit, lorsqu'il a été ressuscité des morts, il est sorti avec les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est sorti avec les clés pour dire, il y a des portes que l'ennemi voudra fermer, mais il ne saura pas. Parce qu'il y a des cadenas pour les fermer, il faut avoir la clé appropriée. Il y a des niveaux spirituels quand tu atteins, cette affaire de dire tu es bloqué, tu es lié, ça ne passera plus. Parce qu'il faudra avoir la clé appropriée pour bloquer un cadenas. Mais même s'il y a des cadenas qui se bloquent sans clé, mais celui qui détient les clés est avec nous. Quand il arrive, la porte s'ouvre. Parce qu'il a les clés. J'aimerais dire à quelqu'un, toute porte fermée s'ouvre ce matin. Que tout ce que l'ennemi a fermé, le travail était compliqué, le mariage était compliqué, l'accouchement était compliqué, il y a des choses qui n'ont pas marché. Que le Seigneur ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Que tu ne forces pas. Mais le Seigneur lui-même enseigne, il ouvrira les portes. Que le Seigneur le fasse. Oh bien-aimé, il y a des épisodes de Christ que le diable ne voudra pas voir des fois. Il ne voudra pas voir la passion, il ne voudra pas voir la croix et encore beaucoup plus la résurrection. Il voudra même qu'on parle de la croix mais pas la résurrection. C'est ce qui valide les choses. L'apôtre dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi se révèle. S'il restait là, tout ce qui s'est passé à la croix, ça serait un non-sens. Il ne saura pas que le peuple comprenne que Christ est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'il est ressuscité, il est capable de ressusciter les choses. J'aimerais que nous puissions prier deux choses dans la conclusion. La première des choses que je voudrais dire, le Seigneur Jésus est prêt pour nous secourir dans n'importe quelle forme de bataille de la destinée. La deuxième des choses, après chaque délivrance dans une bataille de la destinée, le Seigneur Jésus veut qu'on poursuive la destinée. C'est pourquoi acte 12, le verset 8, et l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture. La ceinture selon Éphésiens 6, le verset 14, la Bible dit la ceinture, là c'est la vérité. Oh, la vérité n'est pas une bonne réponse à une question. La vérité est une personne. Il dit, n'arrête pas de prêcher Christ, mets ta ceinture. Et après l'ange lui dit, mets tes sandales. Dans Éphésiens 6, les sandales, c'est les ailes de l'évangile. Il lui dit, je te délivre de la bataille de Rhodes, poursuis ta destinée. Mets la ceinture, mets les sandales et poursuis ta destinée. Vaincre la bataille de Rhodes pour poursuivre ta destinée. Que le Seigneur bénisse sa parole.